Beaucoup de mecs souffrent dans nos ghettos qui te plaît. Tu veux test la street, ok, je te passe mon revolver. On lâche pas le biche jusqu'à ce qu'on nous enterre. C'est la loi de la street, oh, rien à faire. Beaucoup de mecs souffrent dans nos ghettos qui te plaît. Tu veux test la street, ok, je te passe mon revolver. On lâche pas le biche jusqu'à ce qu'on nous enterre. C'est la loi de la street, oh, rien à faire. Mais mec, tu peux plus voler de tes propres ailes. Le système t'a étouffé, t'as perdu le contact de nos ailes. La peine est lourde, que ce soit de Yaoundé ou Marseille, atmosphère est subtile, partout c'est pareil. On a grandi dans des taudis avec des caisses comme pute. La rue marquait des buts, nous on en arquait des buts. On voulait le gros lot, roulant Lexus avec Polo. Cliquer la vie de gigolo, businessman au gros boulot. Dans ma tête c'était le monde dans une boule de billard. Dans la crise on se fait du blé en faisant du pillage. On n'était pas les gosses de la lune mais les pites de la rue. Mon œil revolver, tu peux pas tester ta vue. On s'en fout du voisin tant qu'on a notre gamelle. Yaoundé ça s'assombrit la misère, tu sentais belle. Œil pour œil, dent pour dent. Tu me testes, je te fume, tu me baisses. Je t'encule, tu me bénis, je dis merci. Beaucoup de mecs souffrent dans nos ghettos, ghetto blés. Tu veux tester la street, ok, je te passe mon revolver. On lâche pas les biches jusqu'à ce qu'on nous enterre. C'est la loi de la street, faut rien à perdre. Beaucoup de mecs souffrent dans nos ghettos, ghetto blés. Tu veux tester la street, ok, je te passe mon revolver. On lâche pas les biches jusqu'à ce qu'on nous enterre. C'est la loi de la street. Territoire empoisonné, pas des guêpes qui nous croncent. La rose de belle, c'est laver le cul de Lady Ponce. On pollue la Tessie avec ce shit qui nous nique. On quitte de délinquants, arrête un mal fils de pique. Notre vie noire comme les bains noirs, comme notre peau crise, comme Paul et féroce comme Térix de la Gaule. On avait merdé l'école, les heures de colle. Aujourd'hui on regrette, le destin nous file des bosses. Le plus faible est tilapia, le plus fort est piranha. Nos gueules dégueulants, tu verras pas des Rihanna. Le soir, on schématise le profit du fait d'élégant. Les darons dépensaient la prière en fil d'entente. Que j'ai pas la fatalité, la vente, la CJ. Tu bûches ta peine, espère pas la grâce du PJ. C'est ça la street game, amateur. Tu pètes tes doigts, ne revendique pas une entrant. Tu perds tous tes croix. Beaucoup de mecs souffrent dans nos ghettos, ghetto blême. Tu veux tester la street, ok, je te passe mon revers. On lâche pas les biches jusqu'à ce qu'on nous enterre. C'est la loi de la street, faut rien à perdre. Beaucoup de mecs souffrent dans nos ghetto, ghetto bled. Tu veux tester la street, ok, je te passe mon revolver. On lâche pas le biche jusqu'à ce qu'on nous enterre. C'est la loi de la street, faut rien à perdre. Beaucoup de mecs souffrent dans nos ghetto, ghetto, ghetto bled. Tu veux tester la rue, ok, viens, je te passe mon revolver. On ne lâche pas le biche jusqu'à ce qu'on nous enterre. C'est la loi de la rue. Gros, rien à faire, le terrain de plus en plus hostile. De moins gentil, beaucoup, beaucoup de crimes. Mais peu de joie, c'est la chasse au succès. On ne laisse pas d'opportunité à la crime deal. Tout est bon pour se faire du blé. Je n'encourage pas ce système, nos bons payer les prix. Chez au gros d'or, au cimetière, au minant du dépit. On vit du coup de la rue, en paix figure grossiste. T'as gagné du pognon, tu deviens une tranche de saucisse. Ici, y'a tout genre de vices, de frayons et des mots. Ténèbres et vampires sont les hommes, se nourrissent de mensonges. Désespoir et illusion, notre quotidien. Que faire, mec, c'est la rue, bienvenue chez les miens. Beaucoup de mecs souffrent dans nos ghetto, ghetto bled. Tu veux que ça se fit, ok, je te passe mon revolver. On lâche pas les biches jusqu'à ce qu'on nous enterre. C'est la loi de la street, faut rien à perdre. Beaucoup de mecs souffrent dans nos ghetto, ghetto bled. Tu veux que ça se fit, ok, je te passe mon revolver. On lâche pas les biches jusqu'à ce qu'on nous enterre. C'est la loi de la street, faut rien à perdre. Beaucoup de mecs souffrent dans nos ghetto, ghetto bled. Tu veux que ça se fit, ok, je te passe mon revolver. On lâche pas les biches jusqu'à ce qu'on nous enterre. C'est la loi de la street, faut rien à perdre. Beaucoup de mecs souffrent dans nos ghetto, ghetto bled. Tu veux que t'es la rue, ok, je passe mon revolver. On lâche pas les biches jusqu'à ce qu'on nous enterre. C'est la loi de la rue, faut rien à perdre. Ghetto bled, ghetto, ghetto, ghetto bled. Ghetto, ghetto, ghetto bled. C'est la loi de la street, faut rien à perdre. Ghetto, ghetto, ghetto bled. Ghetto, ghetto, ghetto bled. Ghetto, ghetto, ghetto bled. Oh, rien à faire.